Kosketel. Annabelle, c'est un Kosketel. Elle, joue qu'à trouver qu'un pli belle. Elle, carité à balatrenel. Elle, carité à l'otacharel. Elle, copini, yo qu'à crier Michel. Elle, qu'à travailler, pas bon la chapelle. Elle, qui toujours qu'à mâcher tout seul. Elle, lui aussi, c'est un Kosketel. Annabelle est très jolie, elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait, il pas de jolie, mais c'est en gros. Qui ça? En Kosketel. Annabelle est très jolie, elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait, il pas de jolie, mais c'est en gros. Qui ça? En Kosketel. Annabelle, camarade Christelle, ex-kit, madame Lionel, qui a fait qu'on s'agite elle, qui a battu Adam Catrel, qui a coupé pour sa poubelle. Femme ta là c'est pas modèle. Moi qui a dit toute femme pucelle. Pas avec on Annabelle. Tous les juillots 7ème ciel. Qu'a metté mon string ficelle. En bâti j'y pendant elle. Ça va trop superficiel. 100% infidèle. Sacré skitter. Annabelle est très jolie. Elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait il pas dit au lit. Mais c'est en gros. Qui ça? En gros skitter. Annabelle est très jolie. Elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait il Kosketel. C'est pas le même coup, c'est pas le même job, mais tout le monde trouve ça haut. De Paris à Miami, ils disent que nous sommes tous égaux. C'est pas le même coup, c'est pas le même job, mais tout le monde trouve ça haut. De Paris à Miami, ils disent que nous sommes tous égaux. Maman, c'est trop saut. Maman, tous ces enfants, t'es carré, t'es mon pitou. Femme, t'as la main, tu m'en t'es mis, je vais mon coco. Ça y est, pas tes savres là, c'est que moi, c'est un bouquet chaud. Chaud, chaud. Annabelle est très jolie, elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait, il pas dit au lit. Chop.